Bonsoir, vous êtes à l'écoute de Fraîcheur Community Radio, KFAI, 90.3 FM, Minneapolis, et 106.7 FM, Saint-Paul, Radio Sans Frontières. You're listening to KFAI, 90.3 FM, Minneapolis, 106.7 FM, Saint-Paul, Fraîcheur Community Radio, a program we present is Bonjour, Minnesota. For questions or comments, call the studio line while the music is playing at 612-341-0980. Alors, Dana, moi je suis Karil d'abord. Et moi je suis Dana. Dana, je ne t'entends pas. Est-ce que... Oh, here we go. Voilà, voilà. Wow. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM, St. Paul. Merci. There we go. Et ce soir, c'est le programme de Noël. C'est-à-dire qu'on va jouer des chansons de, françaises et aussi du monde francophone. On va commencer des chansons de Cameroun. Trois petites chansons, toutes brèves. C'est, l'artiste s'appelle Les Enfants du Monde. D'abord, on va écouter les Jeux de solstice de décembre. Et numéro 1 et numéro 2, c'est pareil. Jeu de solstice de décembre, Mbolo 2. Et troisième, c'est jeu de solstice de septembre, Cancan 2. Mais il y a un petit problème. We have to start out with the Senegalese, just because of our computer thing. So. Oh, d'accord. Okay. On va commencer avec la chorale des moines de Ker Moussa. Alors, qui sont les Ker Moussa? Ça veut dire ville, village de Moïse. Et c'est un abbé commencé au Sénégal dans les années 60 par des moines français qui venaient de Solem en France. Ils chantent la musique plutôt du Sénégal dans la langue, une des langues du Sénégal, le Wolof. Et on va chanter ce soir avec les moines de Ker Moussa, Exulte, fille de Sion. C'est un chant avec deux tantans, et ça va être suivi par Nous te louerons, pierre invisible. Et pourquoi pas, ben oui, vas-y, Dana, alors, c'est tout bref, si tu veux continuer tout cela. D'accord. Thank you. All right, we kicked off that set with the Senegalese monks, and what you heard in the background was the kora, harp-like instrument. It's a national Senegalese instrument used a lot in their music, and we'll go ahead and play the other songs that Carol mentioned, Cœur Moussa, and the choir of Moine de Cœur Moussa from Senegal. Off, here we go. Exulte, fille de Sion, crie l'allégresse, fille de Jérusalem. Voici ton roi, vient à toi, juste et vainqueur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Le salut lui vient de sa droite, de son bras de sainteté. Exulte, fille de Sion, crie l'allégresse, fille de Jérusalem. Voici ton roi, vient à toi, juste et celui qui ôte les péchés du monde. suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. All right. We just heard the Senegalese monks with the last song that we heard was Voici l'agneau de Dieu, hear Lamb of God, with the singing with a tabala, Senegalese type of drum. And before that we had We Praise You, Nous te louons, Père Invisible, We Praise You, Invisible Father. And prior to that was Exalt, Fille de Sion chante avec deux tam-tams, so two tam-tams. Fille de Sion, do you know? Daughter of Zion. Zion, mm-hmm. Okay. And then you were saying that the special song or the voice that we heard was a Senegalese singer? Non, en français. En français? Mm-hmm. Okay. Celui qui a aidé avec la fondation de cette abbaye, des Français, des moines français de Solem. En France, sont allés là-bas pour fonder une abbaye. And in Senegal. Au Sénégal. Mm-hmm. So it was a French monks that went to Senegal to help found an abbey. Mm-hmm. And they are the singers on this CD. No, I think they're mostly Senegalese, the monks there. Cause from now the on. Abbey, well, the abbey has been going since the 60s. Okay. Brother Kata came here for a visit, a very gifted man. Some of our listeners, was he ever an invité on the show? I don't know. This was when Georgette was here, and I know he performed, or at least appeared, at the Landmark Center in St. Paul to receive some kind of award. Hmm. So at that time, he could have been mm-hmm. A special guest on the show. And we started out with our sort of Christmas songs, Christmas show, and we'd like to move on to, what was oh, the 21st? So the 21st of December was solstice. Le solstice. And we oui. have... Nous avons des jeux de solstice de décembre. Alors, Mbolo, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais c'est les artistes sont les enfants du monde. Ils chantent Jeux de solstice de décembre, Mbolo. Et puis, Jeux de solstice de décembre, Mbolo 2. Mm-hmm. Jeux de solstice de décembre, Can Can 2. Et c'est des enfants de Cameroun. Encore un pays francophone. Oui. On y va? Vas-y. Abasinja, Abasinja, Abasinja, Abasinja, Abasinja, Abasinja, Mama goes on to Gamboja, Abasinja, if I you die, you poga, Abasinja, if I you die, you poga, Abasinja, my daughter, she won't wait, Abasinja, you want, who blended, Abasinja, you do, you blended. Contre sa fenêtre, Lingou met des joues, Père Angelo, yao, yao. Yeah. Ah, come here, Saboga. Yeah. Go, come a casala. Yeah. Go, come a casala. Yeah. Go, come a manioc. Yeah. Go, come a manioc. Yeah. Go and self in it. Yeah. Dingo metiju. Yeah. Yeah. Pay in yellow. Yeah. Yeah. It does get a little cold in Minnesota sometimes, but radio can take you places where the sun always shines and the winds are warm. And the Wave Project on KFAI can be your ticket to take you and your listeners any place you want to go. It's your show. The Wave Project is KFAI's one-hour public access show every Sunday at 10 a.m. We'll provide the engineer and the help you need to make it happen. Book your reservation by going to kfai.org and look for the Wave Project to learn more. All right. We... Oh, j'ai beaucoup aimé les petits enfants, little children from Cameroon, singing solstice songs or solstice games. Right. And there was some, a little bit of French, but a little bit of native Cameroon songs for December 21st, which happens to be Carol's birthday. Oh, sorry. Oh, so in any case, we are now done with our little detour of Afrique and our... Alors, qu'est-ce qu'on va écouter? How about... I don't know if everybody is... A little bit of Johnny Holiday. Oh, Johnny. Il a beaucoup changé, hein? Au début, moi, je n'aimais pas beaucoup, mais maintenant, je crois que sa voix, avec l'âge, c'est meilleur, quoi. Alors, en tout cas, voici Johnny Holiday... Et il neige sur Nashville. Tu veux suivi? Deux? Oui. Et la suivi... course, l'artiste s'appelle La course au cadeau. Et le titre de la chanson, c'est pareil. La course au cadeau. Et c'est le groupe La course au cadeau et leur album. C'est toutes les choses sur le Noël. Et puis, on y va. Oui, avec toutes les courses aux cadeaux. Mm-hmm. Ensuite, la fabrique des bonbons. Miam, miam. Mm-hmm. Et après, toujours plus. On y va. Allez, oui, vas-y. Je me suis réveillé un matin à côté d'elle, dans une maison en bois en dehors de la ville. Le feu était mort, dans la cheminée et commencer à écrire cette chanson. Et il neige sur Nashville, il neige sur Nashville. Nous sommes sortis très tôt, nous avons marché très loin. Sur ce qui devait être une ancienne voie ferrée, dans le quartier où les noirs montrent le poing, où les chiens nombreux cherchent à manger. Changer dans son regard, elle a noué autour mon cou son foulard. Il était noir, la couleur de mon chapeau. C'est déjà, je ne vais plus la revoir. Savoir si elle pense à moi, oh moi je pense encore à elle. ils sautent et dansent, les joyeux bergers. Sous le ciel immense, il peut neiger. Vers l'étoile s'avancent les rois étrangers. Ils sautent et dansent, les petits bergers. Les vieux se souviennent des anges musiciens. À vite que reviennent les Noëls anciens. Mais les jeunes s'élancent, ivres de courir, vers la plaine immense dans l'avenir. La cloche a sonné, l'enfant Jésus est né. La vache et le veau lui disent bonjour, bravo. Un coq a chanté, l'enfant Jésus est né. L'oiseau a répété, depuis longtemps je l'attendais. Ils sautent et dansent dans la nuit de Noël. Sur les routes de France, les anges du ciel. Et chacun s'enchante de les voir ainsi. Le poète les chante, les enfants aussi. C'est une jolie ronde de joie et d'amour. La ronde du monde dans son plus beau jour. Sous le ciel immense, il est revenu. Noël recommence. Bonjour, petit Jésus. All right. What we just heard was Le Corso Cadeau par Le Corso Cadeau, suivi par... Do you hear me, Karine? Toujours pas. Okay. Okay, oui, je crois. Okay. We had Le Corso Cadeau. They said they vraiment des Canadiens. Before that was Johnny Holiday with It's Snowing on Nashville, Il neige sur Nashville. And that's on his 50 Plus Belles Ballades de Johnny Holiday, a rock and roll French star. And then followed by, we went ahead and we moved right on to, on our list, Charles Trenet singing Chanson pour Noël. And I think it's time for some annonce. On y va? Oui. Thank you for tuning in to KFAI. We know there are many worthwhile organizations deserving of your financial support this time of year, and we're grateful that you would consider community radio. Listener support makes your favorite programs possible. Local and global music, voices from here and around the world. KFAI is an independent radio station. Your support keeps KFAI on the air. It's easy to make your gift online at kfai.org or call us at 612-341-3144. Thank you. Want to continue listening to KFAI while away from your radio, laptop, or desktop computer? Download the free mobile KFAI community radio app for iPhones, iPads, and Android devices, available at your app store. With the mobile app, you can live stream KFAI's on-air broadcast or bookmark your favorite on-air and web-exclusive programs for later. For more details about the KFAI Community Radio app, visit kfai.org. On s'embrasse, on s'aime, le monde efface tous ses problèmes. Pour quelques heures on oublie tout, on met du bonheur partout. C'est comme une autre peau, sous un autre manteau, il y a comme un statu quo. Ce soir, s'aime ce soir. C'est pas comme demain, c'est pas comme la veille. Puis ce soir c'est Noël, tout le monde s'aime ce soir. Instant irréel, la nuit parallèle. Drôle de phénomène. De bonnes nouvelles, paradis artificiel ce soir. Et même si ce n'est qu'un cache-misère, malgré le froid, le plein hiver, il y a une chaleur particulière ce soir. Voilà, vous avez écouté Louis Chédid. Ce soir, c'est Noël. Louis Chédid, il est longtemps dans la chanson populaire, mais son fils maintenant, c'est lui qui fait le nom. Il s'appelle M. Alors, M, c'est pour Mathieu Chédid, mais comme il ne voulait pas prendre le nom de son père, il voulait gagner son propre chemin. Alors, c'est pour cela qu'il est M. et pas Mathieu Chédid. Alors ce soir, c'est les chansons de Noël et de la saison. Moi, je suis Caril. And je suis Dana. My name is Dana. And what we just heard was Louis Chédid's song, Ce soir, c'est Noël. And he is a famous French singer whose son is the great artist M, who didn't want to use his dad's name to become famous and create his own music career. So we've played some of the M songs in the past, and we are going to move back to a little bit of Québécois with the Fabrique de Bonbons and Toujours Plus. It seems that everybody wants to get more and more and more for Christmas. Alors, ce sont des Québécois? Je crois. Je ne les connais pas, la course aux cadeaux. So there's sort of a twang to their music. Ah. That's what I feel like. Ah oui, ça a l'air western un peu. Un peu. C'est pas la France. Oui. On y va. Un cuillère d'on caramel, là c'est en règle. Chamallow dragé, c'est un vrai délice. Des pochettes surprises pour que l'on s'y glisse. Tout a l'air tellement bon dans la fabrique de bonbons. Des chewing-gum, des nounours et de la glace. Sucre d'orge, pomme d'amour, faites de la place. Croyez-moi, personne ici ne fait la grimace. Tout a l'air tellement bon dans la fabrique de bonbons. Bonbons. Au milieu de ça, une voiture rouge en turbo qui n'attendait que moi. Je roule sans m'arrêter dans le creux des vallées. Vous pouvez les cacher, mais je vais les trouver. Les cadeaux, les cadeaux. Et l'un d'eux est pour moi un bateau téléguidé ou des petits soldats. Mais ce dont je rêve, c'est une voiture de course. Je sais qu'ils arrivent, je scrute la grande ours. Les cadeaux, les cadeaux. Bravo, ça c'était amusant. That was the group called Running After Gifts. I guess that's their name, La Course aux Cadeaux, Chasing Gifts. I think that everybody's doing that these days, and we have one day left until Christmas arrives. So we have a bunch of traditional French songs and sort of a mix-up, but I wanted to make sure that we had some, a little bit of crazy new songs in there. I like the La Fabrique de Bonbons, the candy factory. Because you could hear it go boom, chish, boom. The taffy being pulled and they say dragé. Des dragés? Des dragés, yeah. Those Jordan almonds covered with What is it? Some kind of coating. Paste. Yeah, it's not yogurt. I don't know. I think it's some kind of sugar. They're traditional for weddings and baptisms. Even here, I've been to baptisms where they give a little dragée. Speaking of which, there'll probably be the Our Lady of Lourdes French service tomorrow night. And they're selling. Yes. They sell those meat pies. I just had a conversation. Tourtières. Les tourtières. Someone was talking to me about that tonight. French Canadian. Have you ever had one of those? I never have, but you can buy them frozen and put them aside. Right. They're meat pies. Sold at Our Lady of Lourdes, right by, right on riverfront, right there in Hennepin and. What is it? The River Road. Main Street. Main Street, right there. Right down on, right close to the river and. Just across from the Nicollet Island Inn there. You can see it from as you cross the Hennepin Bridge. All right, let's have some annonce and then let's move into some French songs. Programming is supported by AMPERS and the Minnesota Arts and Cultural Heritage Fund. AMPERS.org has hundreds of music, arts, and cultural stories, including many produced by this radio station. Information and audio at AMPERS.org. AMPERS, diverse radio for Minnesota's communities. C'est la belle nuit de Noël, la neige tombe son manteau blanc, et les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits enfants, avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit sourire. Mais avant de partir, il faudra bien te couvrir de haut. d'avoir si froid. C'est un peu à cause de moi. Il me tarde tant que le jour se lève pour voir si tu m'as apporté tous les beaux joujoux que je vois en rêve et que je t'ai commandé. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Petit Papa Noël. Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige, mais mon cœur s'habille de noir. Ce soyeux cortège, tout en larmes blanches, l'oiseau sur la branche pleure le sortilège. Tu ne viendras pas ce soir, me crie mon désespoir. Mais tombe la neige, impassible au manège. La la la la. Tombe la neige, tout est blanc de désespoir. Triste certitude, le froid et l'absence, cet odieux silence, blanche solitude. Tu ne viendras pas ce soir, me crie mon désespoir. Mais tombe la neige, impassible ma neige. Mais tombe la neige, impassible ma neige. La la la la. La la la, la la la. All right. What we just heard was Johnny Farago with Tombe la Neige, and we heard Adamo's version last week. And this is from Promenade en Traîneau album. And before that, we heard the beautiful voice of... Dalida, no? Yes. Dalida, the Egyptian-born singer, with Petit Papa Noël from the album Flamenco Bleu. From Viking Records. So That was made famous by Tino Rossi, but she did a beautiful job too. Right. Mm-hmm. Very big fan of hers. And we have a couple of songs that will bring us back to, they're going to sound pretty familiar from that Promenade en Traîneau CD. Let's go ahead with those. The two titles that we'll be hearing are La Petite Reine au Nez Rouge and Vive le Vent, très populaire en France. On y va. Quand la neige recouvre la verte Finlande et que les reines traversent la lande, le vent dans la nuit au troupeau parle encore de lui. On l'appelait Nez Rouge, ah comme il était mignon, le petit reine au Nez Rouge, rouge comme le mignon. Son petit nez faisait rire, chacun s'en moquait beaucoup. On allait jusqu'à dire qu'il aimait boire un petit coup. Une fée qui l'entendit pleurer dans le noir, pour le consoler, lui dit: viens au paradis ce soir, comme un ange nez rouge, tu conduiras dans le ciel avec ton petit nez rouge, le chariot du Père Noël. Quand ses frères le virent d'allure céleste suivre très digne les routes célestes, devant ses épaules, plus de reine resta pas bonne. On l'appelait Nez Rouge, ah comme il était mignon, le petit reine au nez rouge, rouge comme le mignon. Maintenant qu'il entraîne son char à travers les cieux, c'est lui le roi des reines et son effet des envieux. Vos fillettes et garçons pour la grande nuit, petit point qui bouge, ainsi qu'une étoile au ciel, c'est le nez de Nez Rouge, annonçant le Père Noël, annonçant le Père Noël, annonçant le Père qui s'en va sifflant soufflant dans les grands sapins verts. vaisselle embrasée dans la cheminée chante pour elle. Petits espoirs émerveillés aux yeux brillants se sont couchés, trichant le ciel d'un coup d'œil. Vous êtes à l'écoute de Bonjour Minnesota et Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM à Minneapolis et 106.7 FM à Saint-Paul, Radio Sans Frontières. Et vous êtes à l'écoute de Bonjour Minnesota. Moi, je suis Caril. Et je suis Dana. My name's Dana. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM, Minneapolis 106.7 FM, St. Paul, Radio Without Boundaries. The program we present is Bonjour Minnesota. For comments or questions, call the studio line while the music's playing at 612-341-0980. And what we just heard was Claude Dubois with his song Cadeau from the album called Cadeau, which is presence or present. And prior to that, we heard from the Collection Cantine, Vive le Vent, and Before that was Michel Richard singing Le Petit Renne au Nez Rouge. Rather long for Rudolph. Rudolph the Red-Nosed Reindeer. And I think we'll go ahead with a couple more songs from Claude Dubois. Est-ce que quand toi tu étais en France, est-ce qu'il y avait Rudolph, la reine au nez rouge? Le petit renne au nez rouge? I don't remember ever seeing Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Jamais en France, non. C'est américain plutôt. Totally American. It must Peut-être be... c'est une chanteuse canadienne. Qui chantait, je crois. Mm-hmm. Parce que... Michel Richard. Michel Richard. Ben, qu'est-ce qu'on va écouter maintenant, Dana? Claude Dubois avec Bébé Noël et... Bébé Noël, c'est mignon, ça. Et L'Étoile, encore des chansons de son album Cadeau. So, some more songs from his album Present. Bébé Noël and Star. Here we go. L'Étoile, oui. Son lit chante dans la langue des anges pour Papa Noël. Il prête l'oreille sur la pointe des pieds, monte l'escalier vers Maman Noël. C'est le plus cadeau du monde. Et plus le temps me frappe, plus mon âme s'éclate. J'entre chez le bonheur à toute heure comme Papa Noël. Bébé Noël dans son lit chante dans la langue des anges. Mon voyage m'émerveille. Toi au début, toi presque en espace, dans tes yeux le temps. Mange dans ta main un petit chagrin. Bébé Noël dans son lit chante dans la langue des anges. Ta bisou s'échange contre ou pour reprendre ton cœur. Bébé Noël dans son lit chante dans la langue des anges pour Papa Noël qui prête l'oreille. Bébé Noël. Bébé Noël. Des îles, ils attendent qu'on calme All right. We just heard a couple songs from Canadian singer Claude Dubois, and it was L'Étoile and Bébé Noël. And we're going to listen to another song, Il est né le divin enfant, par Kali. On y va. Ça se fait chaque année. Ohé, la vie est belle. Ohé, joyeux Noël. Mais v'là la neige qui tombe de tout en haut. Elle a dû se faire mal en tombant de si haut. Courons, courons vers elle, courons, courons avec nos pelles, courons la ramasser, puisque c'est notre métier. Jolie neige nouvelle, toi qu'arrive du ciel, donne-nous des nouvelles, des choses de ce côté. Dis-nous la belle, dis-nous en vérité, quand est-ce donc à Noël, tomberont de là-haut les dindes de Noël, ah, cheminées sont vides, nos poches retournées, nos cheminées sont vides, nos souliers sont crevés. Pourtant, c'est Noël, Noël qu'il faut fêter. Fêtons, fêtons Noël. Ça se fait chaque année. Oh, et la vie est belle. Oh, et joyeux Noël. Oh, that was an interesting one. Catherine Sauvage sang for you Christmas of the Chimney Sweeps, a rather little sad minor key song where they were singing, oh, our chimneys are empty and our shoes are too, because in France, the children get gifts in their shoes, and so they're poor, and they did not get any gifts. They didn't have anything. That's right. And before that, there was Kali with a very festive song celebrating the birth of... Now is born the Divine Christ Child in English. Exactly. Mm-hmm. But without any lyrics. So what do we have as annonce coming up here in the Twin Cities for French events? Well, one I've been meaning to announce to you is quite interesting in Paris, because it's always interesting to me what's going on in Paris. At the Pompidou Museum, they are having an exhibit of the works of Jeff Koons. He is the artist who does these large, one of them they're showing is, it looks like a balloon dog made out of balloons. Mm-hmm. And another one, which is very strange, is Michael Jackson holding his chimpanzee all in gold colors. It's almost kind of eerie. Mm. Also at the Pompidou, they're having a collection of the photos, works of by Georgia O'Keeffe when she was at the portal at Ghost Ranch in 1962. They are vintage gelatin silver. Hmm. Well, what's going on here in the Twin Cities? Always something going on with the Alliance. Let's just have just quickly an annonce. Want to continue listening to KFAI while away from your radio, laptop, or desktop computer? Download the free mobile KFAI community radio app for iPhones, iPads, and Android devices, available at your app store. With the mobile app, you can live stream KFAI's on-air broadcast or bookmark your favorite on-air and web-exclusive programs for later. For more details about the KFAI community radio app, visit kfai.org. What's going on here? Well, there is a soirée fête des rois, et petit cadeau, happening at the Alliance Française on Saturday, January 10th, from 6 to 8 p.m. You need a reservation? Call the Alliance. It's 612-332-0436. Well, what is La Fête des Rois? Well, it commemorates the arrival of the three kings to bring gifts to the child Jesus. And, of course, there's something delicious to eat at that holiday. The galette, the famous galette des rois. And inside, there is what's called la fève, the bean, or it used to be a little plastic or plaster porcelain. Paris, porcelain baby. Mm-hmm. But I think too many people had problems, they chomped into it. I think they still do that do in France. Do they still do that in France? Right. Well, here they're a little more conscious. And they still do that. And They do it here, too. King cake. Yeah, they call it the king cake in New Orleans, and they do yes. the same type of thing. But in the United States, yeah, I don't think you ever find one of those real porcelain dolls. No. Normally, kids in France, and then they collect them. Oh, do they? I didn't know that. And then you get to have you get to actually wear the king crown if you win. Well, I'm just going to say, whoever finds that little baby in their piece, and usually mom manages to have the smallest child find it in his or her piece of galette, and then that child gets to wear the king's crown, the golden paper crown, and choose his queen or king also. So at the Allianz, they're going to do that. There is a charge this year because I suppose these galettes are frangipan-filled puff pastry. Mm. Doesn't that sound terrific? Almond, that would be. Yes. Almond-flavored. And they're asking people to bring a gift of approximately a value of $10, and there will be a gift exchange. Oh, nice. Coming up at the Allianz in January, Petit Dej on Saturday, the 1st, 1-3, the 3rd of January, from 9:30 in the morning until 11:30. That's great fun because you can meet a lot of people and have a nice breakfast made possible by Bread Smith. It's free and open to all. They do encourage donations, but it's open to everyone. On Wednesday the 7th from 6 to 8, Navigateur de la Littérature. They will be reading this in class. On Thursday the 8th from 6 to 7:30, meet others at the University Club of St. Paul, the Apéro en Français. You can have your drink, your apéritif, and speak to people in French at the beautiful University Club on, let's see, where is that? Summit and Grand in St. Paul. On the 9th, Cine Club. Hmm. The film they're showing this time is Neuf Mois Ferme, shown in French with subtitles in English at the Allianz. It's 7 p.m. Friday, the 9th of January. Popcorn and pop provided, free and open to all. And these high schoolers are going to meet on the 10th also from 4 to 6. For the high school group, ages 14 through 18. On the 10th, that will be the thing that I just mentioned to you. Also coming along, let's see, what have we here? I've got so many announcements. We do want to thank Beth she was our Facebook page winner for two movie tickets for Jealousy that was playing at Trilon last night. That was on where? On the website for Bonjour Minnesota? For Bonjour Minnesota on Facebook. So check that out. You might find yourself winning some free tickets on that website. Right. Or whatever. We're going to be keeping up to make sure that we announce it on the radio show. Bring some new gifts in the new year and some new fun things as well. Well, more things from the Alliance. Many, many classes. Children on Saturday classes. Children from 18 months to 3 years meet on Wednesdays. Age 4, pre-kindergarten, Saturday. On up to grades 7 through 10. So check that out online or call the Alliance. Winter session is now posted, so you can view it online. Or call the Allianz at 612-332-0436 to enroll and find out about that. The St. Anthony Maine has a French film called Le Roi et l'Oiseau, The King and the Bird, playing on December 19th through Thursday, January 1st. Film Society of Minneapolis. It's a newly restored version of The King and the Mockingbird. On January 11th, Dobe Ganahore at the Ordway Sunday at 7:30 p.m., a widely considered African music talent. She has thrilled audiences with her presence and her singing, her powerful singing voice. Allianz members will receive a discount if you call the Allianz or email Anna for the members-only code. Patisserie 46, that's on Grand and 46. They have two kinds of bûche de Noël during the holidays. The Saint-Nicolas flourless chocolate cake. This is more of the traditional one. Chocolate mousse, raspberry jam, or the Rory. That's made up of vanilla mousse, caramel cream con caramel, sable breton, salted caramel, and pecan nougatine. Sounds good. Again, a discount. Call the Alliance for the email Anna, or call the Alliance for the coupon. They're looking for people to help them out on their expansion plans at the Alliance Française. Are you a designer, an architect, or an engineer? They would like your strength and talents to help them plan. Contact Anna if you are interested. Oh, Dana mentioned about the French Mass at the Notre Dame de Lourdes in Minneapolis. There's also one, it was given, that was December, Wednesday night, tomorrow night, 7 p.m. It's at the Church Saint-Louis-Roi-de-France in St. Paul. The French church is a lovely church. Have you seen that one? Yes, we went there once, just in a dire moment of emergency. Christophe, we went to the French church to pray. Things were just going wrong, so we had to go. But that was one of those moments. But it was, we've been meaning to go to the Mass. What time is that again? 7 p.m., Wednesday, December 24th. All right. Christmas Eve. La messe de la veille à l'église Saint-Louis, en français. Well, there are other announcements about job offers and looking for French homes for an intern that I think you'd best check it out by looking at the website. Bonjour at, let's see, what is their website again? AFMSP.org, I believe. That's right. That's their email address. Email address. So, child care, they're looking for someone who speaks French. They're looking for tour group leaders who's bilingual. And the Alliance Française is also, Française is looking for someone habile de vos mains, otherwise a handyman who would help with the little things around there. And that's it for the announcements. Merci, Cain. On y va. Ah, ben, je t'en prie. Une annonce. Go around the world in 4 hours with the cutting edge in global music on KFAI, 8 p.m. to 12 a.m. weekdays. Chaque année tu regardes le ciel, et toi tu souris aussi. Chaque année tu regardes le ciel, et toi tu souris aussi. Mon petit, approche-toi, chante-moi cette chanson. Ma petite, sois bien gentille, car aujourd'hui c'est la Noël. Ton papa qui se fait vieux se souvient de son passé. Ne sois pas triste, mon petit, car de là-haut nous sourit. Les étoiles sourient pour Noël. À toi, à moi, la vie, chaque année tu regardes le ciel. souris aussi. Chaque année tu regardes le ciel et toi tu souris aussi. Chaque année tu regardes le ciel et toi tu souris aussi. Well, you heard there first of all. Oops, sorry. Oh, that's okay. Give me a little pep there. The first one was Robert de Monsigny, Les Étoiles Souris pour Noël. The Stars Smile for Christmas. That's beautiful. And Claude Dubois sang Nuit de Silence, sort of a jazzed up version of Silent Night. Mm-hmm. And now we'll go on to a story called Nuit de Noël, Christmas Eve, by John Littleton on Noël de France et d'ailleurs, 2007. Different types of traditional stories about Christmas mm-hmm. from France. So do you have any other information about this CD? No, we've used them before. Perhaps a break in the middle and we'll give a little resume. Okay, sounds like a plan. Mm-hmm. Noël de France. Des contes, des légendes des provinces de France, des coutumes, des traditions se rapportant à la période de Noël. Là, nous allons découvrir des coutumes d'un petit peu les quatre coins de la France, avec des rites, des croyances, par exemple des pratiques que l'on avait à cette époque-là, sur la nuit de Noël. Elle est toujours mystérieuse dans toutes les histoires que l'on raconte sur Noël, de même que dans toutes les croyances. Il en est qui sont oubliés depuis longtemps, comme le rite domestique de la bûche de Noël, dont la combustion célébrait le solstice. C'est au retour de la messe de minuit qu'elle était enfournée dans le poêle après avoir été aspergée d'eau bénite par le père de famille. Aujourd'hui, seule la bûche gastronomique rappelle le rite originel. Une curieuse superstition attribuait aussi aux bêtes le pouvoir de la parole pendant la nuit de la nativité. Celui qui se cachait dans son état pouvait ainsi se mettre au courant de propos fort intéressants, puisque les vaches dévoilaient alors qui, au village, allait mourir dans l'année. Pourtant, les fermiers évitaient de pénétrer dans les étables cette nuit-là, de peur d'apprendre leur propre trépas. Selon une autre croyance, il était possible, au cours de la messe de minuit, de reconnaître les sorcières. Il suffisait pour cela d'emporter un trépied composé de 9 essences de bois. Le détenteur de ce tabouret peu commun, assis au fond d'église, voyait alors se retourner, comme mu par une force indomptable, toutes celles qui avaient vendu leur âme au diable. Well, this was about different beliefs according to, ancient tradition, things of what happened on Christmas Eve night. One of them was the Bûche de Noël, the cake that we all love, had something to do with the solstice bringing back the light. And then, of course, there are those who thought that the animals spoke at night and waited in the stable to hear the cows talk. Because they were going to be killed in the next year, they were saying. Didn't they say something about that? And then it's also a time when they could recognize witches. Right, sorcières. Ah, very strange. Let's hear more of this. Et voici aussi l'origine des boules de Noël telles qu'on les connaît à présent, des boules en verre. Située aux confins de la Lorraine et de l'Alsace, Maisenthal a été un centre important de production de verre de grande qualité, grâce à la présence aux alentours de sable fin et pur. Aujourd'hui, un musée du verre y expose le savoir-faire et les créations des maîtres verriers qui ont exercé leur art. Les difficultés rencontrées dans le quotidien développent parfois les capacités imaginatives et créatrices. C'est l'expérience que les artisans verriers de Maisenthal ont faite au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle. Ils avaient l'habitude de décorer leurs sapins de Noël avec de belles pommes aux joues bien rouges et des noix appétissantes. Mais une année, il y eut une grande sécheresse et au début de l'automne, il fallut se résigner à l'idée qu'il n'y aurait ni pommes ni noix pour décorer les arbres de Noël. Personne ne savait comment résoudre cette difficulté inhabituelle, d'autant plus que la joie des enfants ne devait pas être gâtée par l'absence de la décoration traditionnelle du soir de Noël. Alors que faire? Les maîtres verriers de Maisenthal ne s'avouèrent pas battus. Ils comptaient bien relever le défi et firent appel à leur imagination. Et la veille de Noël, de merveilleuses pommes et noix décorèrent les arbres de Noël. Jamais les enfants n'en avaient vu de si belles. En s'approchant pour les admirer de plus près, ils constatèrent qu'elles étaient en verre. Les maîtres verriers avaient inventé des fruits artificiels pour remplacer les fruits naturels défaillants. Et portés par leur élan, ils imaginèrent encore de nombreuses autres décorations qui furent bientôt vendues sur tous les marchés de Noël de Lorraine et d'Alsace et firent la réputation des verriers de Maisenthal. Oh, beautiful. That was why do we put the shiny glass balls on Christmas trees? And originally people put apples or pears. Well, one year there was a terrible drought and there were no pears or apples for anybody. And so the children were very unhappy because there would be no decorations. But in this town called Meisenstadt, must be in Alsace, the master glass workers blew glass balls. And when the children came out to see the Christmas trees, there they were, hanging with beautiful red and green glass fruit. Mm-hmm. Et nous allons retrouver d'autres coutumes tout à l'heure, mais avant cela, nous partons vers le cœur de la nuit de Noël, un minuit chrétien avec John Littleton. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son père arrêter. Oh, la nuit de Noël, c'est toujours... Did you know KFAI can take your old car, truck, motorcycle, or camper donation? It's true. And what you may not know is it's easy. Log on to KFAI.org to find out more about donating a vehicle to sustain KFAI programming. It doesn't matter if you drove it last week or last decade. We can tow it away and let it serve you one more time through funding the radio you love. Donate a vehicle at KFAI.org. Well, that song, well, first of all, you heard some explanation of the songs and the customs in France for Christmas Eve. Then John Littleton sang for you one of the most beautiful Christmas carols, O Holy Night, in English. In French, it's Midnight Christians, when the man of God descends among us to erase the original sin. The chorus... People on your knees, wait for your deliverance. Would you like to continue with some other songs here? Yeah, I think we should go ahead with some... Continuons avec la musique. La musique de Francine Roche, our Twin Cities famous French singer. Oh, Francine, oui. And we will hear Le Bonhomme de Neige. Bonhomme de Neige, d'accord. And Au Pays de l'Espoir. Au Pays de l'Espoir. Suivi par Ave Maria. Okay? Ave Maria, une chanson formidable. On y va. C'est l'hiver et le hameau tremblant. C'est couvert de nitre d'eau tout blanc. Et dehors les enfants courent triomphants. Regardez le bonhomme de neige qui se dresse à l'orée du grand bois. Il a l'air imposant d'un roi nègre qui soudain serait blanc de joie. C'est l'hiver mon chéri, je t'adore et je prie pour que ciel toujours bleu nous sourit. Car l'amour bien souvent est aussi qu'un jeu d'enfant qu'on voit fondre au soleil du printemps. Un gamin l'a coiffé d'un chapeau, dans ses mains on fixe un vieux plumeau. Et l'on rit de son nez tout enfariné. Regardez le bonhomme de neige qui se dresse à l'orée du grand bois. Il a l'air imposant de roi nègre qui soudain serait blanc de joie. C'est l'hiver mon chéri, je t'adore et je prie pour que ciel toujours bleu. Que ciel toujours bleu nous sourit. Car l'amour bien souvent est aussi que jeu d'enfant qu'on voit fondre au soleil du d'air pur et de liberté. Mais dans mon cœur, tout au long des soirs, je reviens au pays de l'espoir. Champ de blé, gorgé de soleil, paysage au jardin plein de fruits vermeils. Chanteur et de fruits vermeils. Doux village m'attend l'amour dans mon cœur où chanteur est toujours. Au fil des jours s'est enfui l'été comme un rêve d'air pur et de liberté. Mais dans mon cœur, tout au long des soirs, je reviens au pays de l'espoir. Je reviens au pays de pitié, pitié, oh bonne mère. Well, you heard there several by Francine Roche, first of all, Bonhomme de Neige, and then Au Pays de l'Espoir, which was either Greensleeves or the other hymn version. And finally, the beautiful Ave Maria. Then Bruno Laplante sang Panis Angelicus by César Franck. It's time for us to say au revoir, joyeux Noël à tout le monde. Joyeux Noël, Dana. Joyeux Noël, Karine. Et qu'est-ce qu'on va écouter? Nous allons écouter Dors ma colombe, Noël alsacien. Noël alsacien, Dors ma colombe. Bonne nuit. Allons écouter.